Douimane. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. La guerre à mener aujourd'hui est celle de la recherche de la justice pour tous. C'est la lutte contre les détournements des deniers publics. C'est l'engagement pris par le numéro 1 burundais qui s'exprimait dans le cadre du lancement de la semaine des héros pour la paix et la démocratie. La mauvaise gestion de la dette publique engendre l'inflation et la perte du pouvoir d'achat de la population. Analyse faite par l'expert économiste Diomède Nineretse, qui déclare que la dette publique déjà contractée par le gouvernement burundais jusqu'en 2022 avoisinait 6 000 milliards de francs burundais. Et dans la suite des interviews que nous réalisons dans le cadre de la célébration du 21e anniversaire de la radio Isanganiro ce samedi, aujourd'hui vous entendrez le vice-président du parti Sawanya Frodebou, Phenias Nigaba, se réjouit du professionnalisme des journalistes de cette station. Captez Isanganiro, écoutez la différence. La sélection burundaise de football Inamba Murugamba a remporté sa victoire par 3 buts à 2 contre la sélection gambienne dans un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde qui se jouera en 2026 dans 3 pays, le Canada, les États-Unis et le Mexique. Ce match s'est joué ce jeudi après-midi à Dar es Salaam en Tanzanie. Les Hirondelles poursuivront la recherche de leur qualification en croisant le fer avec le Gabon. Ce sera dimanche, toujours à Dar es Salaam, en Tanzanie, en raison d'un manque de stade au Burundi homologué par la FIFA pour abriter de telles compétitions internationales. La dette publique, déjà contractée par le gouvernement burundais jusqu'en 2022, avoisinait 6 000 milliards de francs burundais. C'est l'analyse faite par Diomède Nineretse, expert en économie. Pour lui, la dette à part entière pour un pays ne constitue pas un défi majeur si elle est bien orientée beaucoup plus dans le secteur de la production que dans la consommation. Suivez les explications de cet expert en économie, Diomède Nineretse. Selon les différents rapports, actuellement on constate que la dette publique avoisine plus ou moins 6 000 milliards. Ça peut être légèrement moins, mais la dette intérieure est estimée à 4 000 milliards. Et la dette extérieure, c'est environ 1 500 milliards. Donc, c'est vers en 2022 qu'on constate ces chiffres-là. C'est-à-dire que ces chiffres peuvent être légèrement moins ou légèrement supérieurs. Et je veux que les gens qui nous écoutent puissent comprendre que la dette publique, ce n'est pas un problème en soi, parce que le Burundi a droit de contracter un crédit au niveau interne comme au niveau extérieur. Le problème, c'est la destination de la dette. Mais là où il y a quand même un problème, regardez aujourd'hui, les prévisions de dépenses actuellement, c'est 3 900 milliards. Si on analyse la prévision des recettes, c'est 3 200 milliards. Donc aujourd'hui, il y a un déficit budgétaire de 720 000 milliards. Autrement dit, il y a un besoin de financement de 720 000 milliards. Ça, c'est la prévision. Comment est-ce que le gouvernement du Burundi va pouvoir financer ce déficit budgétaire? C'est-à-dire qu'il va nécessairement recourir au crédit ou éventuellement, s'il y a une aide au développement, c'est là où il pourra probablement combler ce vide ou éventuellement cet écart-là. Les dépenses ont été augmentées de 68%, alors que la production a été augmentée de 2%. Donc imaginez-vous, vous avez une production de 2% et vous augmentez les dépenses à 68%, pas nécessairement dans les domaines de production. On lui est toujours recommandé que quand vous contractez un crédit, il faut tenir compte de votre produit intérieur brut. Or, le produit intérieur brut, maintenant acheté, il faut éviter alors de demander un crédit, surtout quand ce crédit n'est pas orienté vers le secteur de production. Selon cet expert, si ces dettes publiques ne sont pas bien gérées, elles présentent plusieurs conséquences sur la vie de la population, dont la perte du pouvoir d'achat lié à l'inflation. Suivez encore une fois cet expert en économie, Diomède Nineretse. La conséquence, elle est bien évidente. La première conséquence, c'est la perte du pouvoir d'achat. Et quand il y a la problématique du pouvoir d'achat, il va y avoir aussi la problématique de consommation. Et quand il y a une problématique de consommation, c'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir des impôts et taxes. Deuxième chose, c'est l'inflation. La hausse généralisée des prix, maintenant c'est visible. Le carburant vient d'être augmenté à concurrence de 68%. C'est beaucoup pour une année, Et le citoyen moyen n'a pas augmenté les frais de transport à concret de 68%, d'où l'inflation. Car le crédit s'embrale et que la population n'a plus de revenus, donc vous comprenez bien que le chômage continue aussi à grimper. Regardez le différentiel du taux de change. Maintenant, les devises, c'est très difficile de réguler même sur le marché. C'est aussi une exonération de plus de 18% des recettes qu'on devrait percevoir en 2020, je crois, d'après le rapport de la FMI. Tout cela, il va y avoir des spéculations parce que l'économie n'est pas stable. Heureusement que maintenant, l'autorité publique, et plus particulièrement le président de la République, on voit que maintenant, quand même, le Burundi est en train quand même de comprendre qu'il doit changer et que les finances publiques doivent servir pour le bien-être de la population. Le crédit devrait être contracté, probablement pour exploiter les minéraux. Et là, on devrait alors, maintenant, peut-être chercher à fabriquer la terre rare et tout ce qui est la matière première. Et comme ça, on est sûr que la production sera exportée et rapatrier les devises. Ça va créer aussi de l'emploi. Je pense qu'il faut seulement alerter et dire qu'il faut orienter le crédit dans les domaines où il va y avoir le changement et le bien-être de la population. Diomède Nindretse, il est expert en économie. Le président burundais, en même temps la tête du conseiller des sages au sein du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, trouve que le pays a pour le moment comme ennemi les magistrats injustes et les auteurs des détournements des deniers publics. Lors du lancement de la semaine des héros pour la paix et la démocratie, qui sont les ex-combattants au sein de cette formation politique, Évariste Ndayishimiye a expliqué qu'après les temps de guerre, les Burundais mènent pour le moment le combat pour la justice équitable et le développement du pays. La radio Isanganiro diffuse des informations bien vérifiées et à temps. Cette appréciation est du parti Sawanya Frodebo à l'avant-veille de la célébration du 21e anniversaire de la radio Isanganiro ce samedi 18 novembre. Le vice-président de ce parti, Phénias Nigaba, souhaite que la radio Isanganiro puisse étendre ses programmes sur 24 heures et que la télévision Isanganiro puisse être accessible à tous. On l'écoute. En tant que politicien, il y a une émission que nous aimons beaucoup qui passe à la radio Isanganiro, c'est Mosaïque. L'autre émission, je dirais que c'est l'émission Karadiri Dimba, qui donne l'accès à la diaspora de s'exprimer sur des sujets qui intéressent la population burundaise. L'autre sujet que nous aimons, ce sont les informations que vous donnez. Les informations, ce sont des informations qui sont bien fouillées, des informations qui sont bien traitées, et ça aide la population à avoir de l'information sur le pays. Ça aide cette population à s'intéresser sur la vie. Mais qu'est-ce que vous n'appréciez pas peut-être? La plupart de fois, lorsque vous nous dites que vous êtes allé chercher des informations et qu'on a refusé de vous donner ces informations, ça nous fait trop mal parce que c'est notre droit de connaître ce qui se passe dans toutes les boîtes du pays. C'est pourquoi maintenant, nous demandons à ce que ces autorités vraiment ne trouvent pas que les journalistes sont des ennemis, mais que ce sont des partenaires qui cherchent le bien-être de la population. Il y a des suggestions qu'on voulait faire à la radio Isanganiro. Comme nous sommes dans l'EAC, nous voyons que beaucoup de pays parlent l'anglais. Nous aimerions que vous utilisiez cette langue-là au niveau de votre médium, parce que même la région a besoin d'écouter la radio Isanganiro. En plus, nous voudrions que les heures soient augmentées. Nous voyons que à un moment donné, les programmes sont terminés et ça nous dérange un peu parce que nous avons besoin de continuer à poursuivre les émissions de Radio Isanganiro 24 heures sur 24. Autre chose que nous voudrions demander, c'est d'avoir que la télévision Isanganiro puisse émettre dans tout le pays, pour qu'on puisse avoir des télévisions diversifiées. Cela pourrait aider la population à se développer parce que une fois que la population va suivre beaucoup de télévisions, elle va mettre sur la balance et voir ce qui est important. Et nous voulons profiter de cette occasion pour vous féliciter. Aller de l'avant, nous voudrions que demain ou après-demain, on puisse avoir, disons, d'autres radios qui peuvent naître à partir de l'Isanganiro. Phénias Nigaba, vice-président du parti Sawanya Frodebo, interviewé dans le cadre de la célébration du 21e anniversaire de la radio Isanganiro ce samedi 18 novembre. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Quatre personnes sont déjà mortes à cause des pluies torrentielles qui se sont abattues sur la province Makamba depuis le début de cette saison pluvieuse. En plus de ces pertes en vies humaines, l'on dénombre à peu près 400 maisons et 40 salles de classe détruites. Plus de 200 hectares de champs de culture endommagés. Le gouverneur de la province de Makamba demande à sa population d'être solidaire avec les victimes de ces intempéries et appelle également les partenaires au développement de venir en aide aux sinistrés. Élisée Kwizera. Son bilan dressé par la gouverneure de la province Makamba englobe les dégâts de toutes les communes de la province. Ils ont été occasionnés par des pluies torrentielles qui se sont abattues dans cette province depuis le début de cette saison de la pluie. Le jour du 15 octobre de l'année courante est celui et a beaucoup touché cette province et surtout la population de la colline Kiyange en commune Kibago où parmi les dégâts, une église qui s'est écroulée a causé 4 morts. Bien d'autres dégâts sont enregistrés à présent. Au moment où la gouverneure de la province Makamba, Tantine Nchutina Magara, dit qu'il n'y a pas d'objet alloué à la prévention et gestion des risques. Cette autorité indique que les aides proviennent des communes via la population dans le cadre de la solidarité locale, mais aussi des âmes charitables. À part les communes, elle fait savoir que le ministère de la Solidarité, la représentation du partis au pouvoir ainsi que d'autres organisations locales ont déjà intervenu à la population. Suite à l'ampleur de ces dégâts, il continue à lancer un appel aux âmes charitables et aux partenaires de développement afin de venir en aide à la population victime en leur donnant des tôles et autres qui s'avèrent nécessaires, arguant que les communes sont déjà dépassées. En plus, deux personnes succombées ont citéré parmi les dégâts à peu près 400 maisons et 40 salles de classe dont les toitures ont été emportées ou détruites complètement et plus de 200 hectares de champs de culture endommagés. La commune la plus touchée quant aux maisons est celle de Nyanzalake où il a été détruit autour de 200 maisons. Alors qu'à propos des champs de culture endommagés, c'est la commune Kayogoro qui faisait en première position avec plus de 100 hectares. Depuis Makamba, Élisée Kwizera, Radio Isanganiro. Et les habitants de la colline Narambo en commune province Kayanza ont depuis 3 ans déjà mis en place une caisse de solidarité sociale à laquelle ils font recours pour le déplacement des malades ou des femmes enceintes vers les structures sanitaires ou encore en cas de décès. La cotisation mensuelle de chaque ménage est de 500 francs burundais. L'administration en commune Kayanza apprécie l'initiative et demande aux habitants des autres collines de s'en inspirer. Patrick Sengiyumba. Selon Uriel Menyandu, chef colonel Narambo, l'idée de la mise en place de cette caisse de solidarité sociale est jaillie après avoir remarqué que les malades éprouvaient d'énormes difficultés à arriver dans des structures de soins qui leur sont proches, tandis que de l'autre côté, les hommes perdaient du temps à transporter les malades avec des blancards. Ainsi raconte le chef de la colline Narambo, une caisse a été mise en place et chaque ménage doit contribuer au moins 500 francs mensuellement et cet argent est utilisé pour le paiement de déplacements à moto des malades, des femmes prêtées à accoucher vers les structures de soins. Certains des habitants de la colline Narambo contactés à ce sujet nous ont indiqué qu'ils se réjouissent beaucoup de la façon dont cette caisse de solidarité les aide à avoir des facilités à arriver dans des structures sanitaires et pour les malades et pour les femmes enceintes aussi. Willy Herménian du chef de la colline Narambo indique que cette caisse de solidarité sociale permet à la population de se développer plus qu'avant sa mise en place du fait que selon lui, les années dernières, les hommes perdaient du temps à transporter les malades mais aujourd'hui ce n'est plus le cas car il reste à la maison et va que normalement aux activités quotidiennes de développement familial. Les habitants qui se sont imprégnés de l'idée de la caisse déplorent qu'au niveau de la colline, il y a ceux qui ont refusé d'adhérer et leur demandent de se ressaisir. Au niveau de l'administration communale Kayanza, on dit apprécier positivement cette initiative des habitants de la colline Narambo, surtout en ce qui est du renforcement du social au sein de la communauté. Christian Baranizigui est conseiller de l'administrateur communal Kayanza en charge des questions politiques, administratives, juridiques et sociales, demande aux habitants d'autres collines de prendre pour modèle ses habitants de la colline Narambo. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumba pour la radio Isanganiro. Merci Patrick. Du sport encore dans ce journal. 12 nageurs burundais participeront à la compétition de natation de la zone 3 qui se déroulera à Kigali au Rwanda. À partir du 22 novembre, dans un point de presse animé ce mercredi, le président de la Fédération burundaise de natation a fait savoir que le manque de frais de participation aux compétitions internationales reste un grand défi. Suivez Cassien Bassogomba. Nous avons la préparation des Jeux de la zone 3 qui regroupe 11 pays. C'est une compétition de natation qui est organisée chaque année dans nos pays. Et cette année, c'est organisé à Kigali depuis mercredi prochain. Le Burundi sera représenté par une équipe de 12 nageurs répartis en 4 catégories d'âge. Le premier groupe, c'est 12 et moins. Le deuxième, c'est 13 et 14. Et puis 15 et 16, et la catégorie plus âgée des adultes, 17 et plus. C'est une compétition qui va regrouper aussi certains pays de la zone 4. C'est une zone qui regroupe les pays depuis l'Afrique du Sud jusqu'en Zambie. Suite à une audience de natation dans nos pays qui n'est pas grande, on invite les organisateurs d'inviter d'autres pays, d'autres zones. Et surtout dire que l'année prochaine, ce sera notre, donc, l'occasion du Burundi pour organiser ces compétitions régionales. Ce sera une organisation qui sera donc organisée par une autre fédération en collaboration avec, évidemment, avec le gouvernement, qui sera organisée ici au Burundi. C'est une occasion alors d'annoncer cet événement de l'année prochaine. Il faut que les gens sachent que déjà il y a une équipe qui se prépare pour accueillir compétition. Nous allons participer avec, comme je le disais, avec 12 athlètes. Malheureusement, on nous apprend que le gouvernement ne va pas appuyer notre participation parce que le gouvernement, paraît-il, n'a pas de moyens pour nous financer les compétitions. Nous avions l'habitude d'être aidés par le gouvernement. L'autre institution qui pouvait nous aider, c'est le Comité national olympique. Mais je pense que ce Comité national olympique ne finance pas tellement ces compétitions, surtout quand il s'agit de la natation. Alors, notre participation sera faite parce que les parents ont voulu contribuer. Nos clubs ont contribué pour assurer la participation. Le président de la Fédération burundaise de natation, Cassien Bassogomba, qui a déclaré au cours de cette conférence de presse que le Burundi accueillera cette compétition de natation de la zone 3, que le Burundi donc accueillera cette compétition l'année prochaine. Et pour boucler ce journal, le Parlement kényan a approuvé ce 16 novembre 2023 le déploiement d'un millier de policiers en Haïti, pays plongé dans le chaos et la violence des gangs, dans le cadre d'une mission soutenue par l'ONU. Léoui l'emporte, a déclaré la vice-présidente du Parlement, Gladys Bos-Choeli, après avoir demandé aux élus de se prononcer à voix haute. Ce déploiement reste toutefois suspendu par la haute cour de Nairobi, qui doit encore examiner un recours déposé par un opposant qui argue que cette mission est inconstitutionnelle. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.